Ennemi dans le rétroviseur. Joule comme un raclo sans m'y perdre. Coffre chargé comme Boula Kelly Jane. J'ai du papier à ramasser. Pas trop chicha, gros joint de moula dans mon bec. Que des kistas, viscères clients en bas du bec. J'ai cramé l'équipe de la DEP. Mais j'fais le sale boulot, armé d'un 9 mm. Elle me dit que j'ai plus le temps pour elle, j'suis tout le temps avec les potos. Laisse le quartier, bébé, ça peut te rendre loco. La bague au doigt s'en fout du Darnel, ça que j'ai coco. Ah, elle doit faire de l'oseille, Maria. J'suis dans le texte, entouré de pédo cocaïna. On encaisse 7 jours sur 7 fois que Mila. Si tu vois ce qu'il y a sous mon lit, il doit remplir sa de sport et mettre des lourds sous le déco. Je t'emmènerai faire tour du monde comme les kilos de coco. Qu'est-ce que j'ai à donner de l'amour? J'en ai pas. Tu me dis que c'est fini, tu finis dans mes bras. Cimetière ou le hut, c'est ce qu'elle fait que de me répéter. Je dois régler des affaires, j'ai rendu fou, c'est fait péter. Elle me dit que j'ai plus le temps pour elle, je suis tout le temps avec les potos. Laisse le quartier, bébé, ça peut te rendre loco. La bague au doigt s'en fout du Darnel, ça que j'ai coco. Ah, j'dois faire de l'oseille, Marie.